L'Association cosmique de Corée a commencé ses activités. Elle a pour but d'accélérer par les échanges scientifiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays l'exploitation et l'utilisation pacifique de l'espace cosmique, bien commun de l'humanité. C'est une organisation civile des scientifiques et techniciens du domaine d'application des techniques spatiales, des enseignants et chercheurs des écoles supérieures. Elle organisera en novembre prochain pour son premier travail le séminaire des sciences et techniques spatiales 2016. Sous le thème « L'édification d'une puissance civilisée socialiste et les sciences et techniques spatiales de Corée », le séminaire aura lieu divisé en secteurs des matières cosmiques et éléments, des sciences de base, des techniques d'application et des sciences sociales.